grand jeu et mon canif. Hey. Hey. Grand Dieu et mon canif, les yeux rouges fument comme Wiz Khalifa. Quand je prie pour tous mes gars, casse-toi des proches à chaque canif. Hey, les yeux rouges fument comme Wiz Khalifa. Quand je prie pour tous mes gars, casse-toi des proches à chaque canif. Hey, hey. Non, fuck les portes, envie de frapper dans leur coin. Y'a pas qu'à la fin des phrases qu'on a utilisé. Point. On embrouille pas de factice, chelou, j'étais sur la blacklist. Malagain qui connaît nos pratiques, après la tempête on vogue à bad beast. Toujours confiance en mes gringos, qui ramène la coque en fermant. L'avocat d'état et par mes dingos, qui préfère aller que black. Utilise tout son bifton au bingo, donc nous raconte pas tes péripéties. Quand tu nous coumas au bigo, ouais si je veux finir en gigot. Faut que Fendi ait le pull, m'empêche pas, tu le doutes pas. Et je suis comme la rebut, tu sais que je me mélange pas. Faut que Fendi ait le pull, m'empêche pas, tu le pas. Et je suis comme la rebu, tu sais que je me mélange pas. J'suis dans le game, les jeux top comme tout, tu le joues pas. J'mets des manchettes et des kicks, ouais, sur eux j'm'entraîne comme ça, pao. Tel un film d'action, j'fais des loops et des tractions. Si tu payes pas l'addition, j'monte chez toi pour une soustraction. J'prends Dieu et mon canif, les yeux rouges fument comme Wiz Khalifa. Quand je prie pour tous mes gars, casse-toi des proches à chaque canif. Hey. Les yeux rouges fument comme Wiz Khalifa. Quand je prie pour tous mes gars, casse-toi des proches à chaque canif. Y'a que nous parler de bif. Ton gazo se fout des fous, masque, on préfère ceux qui prennent par le pif. On ne connaît pas que ce que tu flosses, te vois tes bouts, casse c'est des bites. J'suis à la recherche de moula, j'suis chez toi, sinon c'est que ça débite. Ouais, sinon c'est que ça débite. Hey, j'suis dans le bassin où personne nage. Hey, je les laisse tout secret des personnages. Hey, Exus, Sharklop, Exus. Hey, Exus, Sharklop, Exus. Tant que j'ai mis avant ça, aucun ne m'a fait gémant. La baiser jusqu'à ce qu'elle gémisse avant de te va me faire un gémant. Ma lune, on a le démon, hein. Laisse ta go, on la démonte. Calibré sur moi, gémant. Pao, pao, pao, pao. Faut que Fendi ait le pull, m'empêche pas, tu le doutes pas. Et je suis comme la rebu, tu sais que je ne me mélange pas. Faut que Fendi ait le pull, m'empêche pas, tu le doutes pas. Et je suis comme la rebu, tu sais que je ne me mélange pas. Hey, dans le game, les jeux top comme tout, tout le jeu pas. J'fais des manchettes et des kicks, ouais, sur eux j'm'entraîne comme ça, pao. Tel un film d'action, j'fais des loops et des tractions. Si tu payes pas l'addition, j'monte chez toi pour une soustraction. J'prends Dieu et mon canif, les yeux rouges fument comme Wiz Khalifa. Quand je prie pour tous mes gars, casse-toi des proches à chaque canif. Hey, les yeux rouges fument comme Wiz Khalifa. Quand je prie pour tous mes gars, casse-toi des proches à chaque canif. J'prends Dieu et mon canif, les yeux rouges fument comme Wiz Khalifa. Quand je prie pour tous mes gars, casse-toi des proches à chaque canif. Hey, les yeux rouges fument comme Wiz Khalifa. Quand je prie pour tous mes gars, casse-toi des proches à chaque canif.